Oui. Nous sommes encore à un tournant. Et il faut que les Africains comprennent et que chacun choisisse son camp maintenant. Et que chacun ne dise pas qu'il ne connaissait pas la vérité. Nous avons longtemps dit, si je commencerai par là, sur la question anglophone. Seul contre tous, nous avons dit que c'était inacceptable. Et que ce qui s'est passé là au Cameroun, c'était la guerre civile qu'on préparait. Il s'agissait de décapiter l'État du Cameroun, de le partitionner avec le parrainage de certaines puissances étrangères. Ma chérie, les événements nous ont donné raison. Je ne voudrais pas être prétentieux en y insistant beaucoup. Il y a des victoires qu'il ne faut même pas célébrer. Parce que je sais qu'il y a un peuple qui souffre là-bas. Il est pris en otage par des voyous, le peuple de ces régions du nord-ouest et du sud-ouest. Par respect pour leur souffrance, nous ne dansons pas. La question est sérieuse. Et Bachi, une fois que j'ai dit ça, Bachi, on nous a dit non, ce n'est pas vraiment sur le fédéralisme. Après, on voit, ces gens ont assassiné les militaires camerounais, les policiers, les gendarmes. On est pratiquement à près de 30 assassinés froidement. Bachi, ils ont incendié des écoles. Ils ont incendié des maisons. Ils ont menacé des milliers de personnes qui ne pensaient pas comme eux. C'est-à-dire que vous avez là-bas dans ces régions qu'on appelle régions anglophones, ce que je n'accepte même pas d'ailleurs, je n'ai jamais accepté, des milliers de gens qui ne pensent pas comme ce voyou d'Ayouk Tabé et sa bande. Vous savez ce qu'on fait à ces gens? On les menace par le téléphone. Là, nous, on vient les menacer d'incendier leur maison, Bachi. Ils ont même menti à des milliers de gens qui ont abandonné leur maison pour devenir réfugiés au Nigeria. Parce qu'on les a fait croire que vraiment, on devait construire leur maison, ils devaient avoir beaucoup d'argent, Bachi. Oui, ils n'ont même plus de carte d'identité. Ouais. Voilà ce que ces gens faisaient. Parce qu'il fallait aller grossir des personnes qu'on va appeler réfugiés. Parce qu'il fallait avoir la masse de manœuvres humaines pour justifier les machines qu'on veut faire au niveau international à l'ONU et commencer à recruter les gens pour grossir cette armée de criminels. Donc, on a vu tout ça, Bachi. Et après, on nous a dit que non, vraiment, comme eux, hein, il y a la violence des deux côtés. Il faut condamner la violence des deux côtés. Mettant sur un même pied d'égalité un État légitime, bénéficiant du mandat des Camerounais, après des élections régulièrement gagnées au Cameroun, n'est-ce pas? Des gens qui n'ont été élus par personne, qui se sont autoproclamés leaders, qui tuent, qui violent, qui confisquent la souveraineté, une partie de la souveraineté du pays. On nous a dit, non, vraiment, ils sont la violence des deux côtés, qualifiant l'État d'être violent, alors que l'État restaurait l'ordre et voulait faire respecter la loi. Monsieur Bachi, les gens nous l'ont dit, on a vu les forces politiques dans ce pays, dit que non, vraiment, les revendications là sont légitimes, et que c'est l'État est sourd. Il ne veut pas dialoguer, Bachi. On a vu des dirigeants des partis politiques accepter que le pays, c'est deux nations. Une nation anglophone et une nation francophone. Tous les partis de ces pays-là, tous les partis ont joué ce jeu, Bachi. On a vu les gens dire que non, nous ne sommes pas sécessionnistes. Nous sommes pour le fédéralisme, mais il faut dialoguer. Bachi, les mêmes gens qui le disent comptaient sur l'action des sécessionnistes pour faire pression sur le pouvoir. Voilà pourquoi nous avons dit, nous, que tous ces partis-là sont des sécessionnistes. Tous ceux qui ont voulu compter d'une manière ou d'une autre sur l'action de ces bandits de grand chemin-là pour exister politiquement, faire pression sur l'État, sont des sécessionnistes, Bachi. Dans les mois qui viennent, nous allons poser ce problème au Cameroun de savoir que toutes les forces politiques qui ont participé de près ou de loin à cette affaire sont-elles encore dignes de participer au jeu politique au Cameroun. Nous allons prendre ça sur nous, Bachi. Je suis président d'un parti politique. Je vais interpeller le Cameroun, l'État du Cameroun, pour leur demander, est-ce que la loi du Cameroun existe? Est-ce qu'elle est valable? Des partis politiques qui ont soutenu ça. Quand on tient notre armée, quand on voulait diviser l'armée en armée anglophone, en armée francophone, Bachi, est-ce que vous savez qu'il y a eu le déserteur dans l'armée du Cameroun? Les gens ont déserté, Bachi. On s'en souvient, le général Melingui en a parlé. Très bien. Au nom de l'appartenance à une entité anglophone, mais Bachi, vous voyez à quel niveau c'est arrivé? L'armée du Cameroun, on veut la diviser depuis. L'Occident cherche à le faire depuis. Eh bien, ils ont trouvé le chemin. Des gens ont déserté. Il y a eu des trahisons à des niveaux très élevés, Bachi. Des gens ont accepté que l'État n'existait plus au Cameroun. On a fait des choses extraordinaires. Et des partis politiques ont soutenu ça. Et il y en a qui veulent se candidater à l'élection présidentielle. Nous ne le saurons pas faire, Bachi. Nous allons mettre l'État du Cameroun devant ses responsabilités, Bachi. Je vous le dis. Peut-être une action, je ne vais pas la dire, une action va être engagée de façon solennelle pour interpeller ces gens et mettre le système judiciaire camerounais devant ses responsabilités. La loi, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une partie des Camerounais et les autres. Deuxième chose, Bachir. Nous avons dit depuis très longtemps, lorsque ces criminels ont sévi, vous avez entendu un jour Amnesty International les condamner? Non. Ce que vous appelez amnesty, condamner ces gens, jamais. Et elle sort du lot, bim, maintenant, on a arrêté les enfants chéris d'Amnesty International. On a arrêté la branche militaire locale d'Amnesty International. Eh bien, elle est obligée de sortir pour se défendre, Bachir. Qui sont derrière les anglophones? Même gens qui sont derrière le coup d'État en Guinée, Bachir. Même gens qui sont derrière la Catalogne. C'est qui? Monsieur Soros. George Soros et les autres. Vous savez pas qu'Amnesty International est en grande partie financée par Monsieur Soros? Il faut vous apprendre ça encore, vous les Africains. Donc, Amnesty se défend elle-même. C'est le pyromane qui, attrapé en flagrant délit de feu, n'est-ce pas, se défend et dit que non, si je mets le feu, c'est pour le bien de ceux que je brûle. Donc ne me jugez pas. Amnesty International, Bachir, pour ceux qui tiennent encore le comprendre, je l'ai déjà dit, est une organisation terroriste. Amnesty International est la victime civile du terrorisme dans le monde. Terrorisme d'État et terrorisme des réseaux d'influence. Pas des gens comme M. George Soros. Mais Bachir, quel Africain sérieux peut accorder encore le moindre crédit au communiqué de cette organisation de sorciers? Quel Africain sérieux peut accorder du crédit à cette ONG de vampires et de sorciers? Et leur relais locaux. Il y a des Africains qui leur accordent du crédit. Il faut donc continuer. Pour eux, président. Il faut continuer à les acculer. Ouais. Vous comprenez? Non, on connaît les relais locaux. Ils font ça pour des visas. Je sais de quoi je parle. J'aime les preuves de ce que je dis. Tous leurs relais locaux, y compris ceux qui prennent d'autres noms, ils donnent le nom à leurs ONG pour ne pas dire que, bon, branche locale d'Amnesty International, pour diversifier un peu l'affaire Mania. Il y a des ONG là-bas au Cameroun. Nous leur ferons plus de publicité. Parce qu'ils ne valent rien du tout. Non, voilà. Oui. Mais on connaît. Ils ont des visas, ils ont des enfants en Europe qui fréquentent dans ces pays-là. Ils sont pris en charge. Donc, ces leaders d'ONG ne peuvent pas oser dire le contraire. Comme quand vous allez le voir se taire devant les exactions de leurs amis, de leurs protégés, comme toute cette bande de bandits qu'on vient d'arrêter et qu'on nous présente comme le temps des leaders, des héros avec qui on peut parler. Monsieur Bachir, donc vous n'entendrez jamais jamais dénoncer leurs actions. Vous ne les entendrez jamais développer une véritable théorie des droits de l'homme. Ils vont confondre exprès les droits politiques et les droits de l'homme. Ils vont réduire les droits de l'homme aux droits définis comme tels par Monsieur George Soros, hein, ce bandit international. Ils vont réduire les droits de l'homme, n'est-ce pas, à l'incrimination des États, oubliant que le premier garant des droits de l'homme, c'est l'État justement. Donc, on ne peut pas parler des droits de l'homme sans parler de l'État. Donc, ces gens avaient leur conception mercantiliste des droits de l'homme. Vous ne les verrez pas défendre des causes nobles. Ils considèrent que les droits économiques ne sont pas les droits de l'homme. Ils considèrent que les droits culturels ne sont pas les droits de l'homme. Ils considèrent que les droits éducatifs, Bachir, ne sont pas les droits de l'homme. Même les droits familiaux, pour eux, ne sont pas les droits de l'homme. Ils vont vous dire que les LGBT, leur sorcellerie là, leur saleté là, ce sont les droits de l'homme, Bachir. Ils fermeront les yeux devant la pollution. Ils fermeront les yeux devant les crimes des multinationales. Ils ne vont rien dire. Ils vont fermer les yeux devant le banditisme de leurs États. Les États, ils ne vont rien dire. Ils vont fermer les yeux devant tout ce que l'ONU fait dans le monde. Ils ne vont rien dire. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils sont ensemble. C'est leur réseau. Donc, je vais encore le répéter. Amnesty International, c'est une organisation terroriste, animée par des voyous qui ne méritent qui ne mérite aucune considération de la part d'un Africain sérieux, d'un panafricaniste engagé. Parce que ces gens, ils ne comprennent rien du tout de l'homme. Ils sont au service des commerçants, des mercantilistes, de ceux qui ont décidé de détruire l'Afrique. Amnesty International, c'est un ennemi du continent africain, Bachir. Attendez, on va finir. Je mesure mes mots. Amnesty, c'est un ennemi du continent africain. Et les Africains qui croient à ce combat doivent les considérer comme tels et les traiter comme tels. Donc leur communiqué par rapport à ce bandit qu'on vient d'arrêter est nul et de nul effet. On verra. Voyons ce qu'en pensent nos téléspectateurs.